Chapitre 5. Ce ne fut pas sans une certaine agitation intérieure que Jeanne de Morescan monta le lendemain dans son coupé pour se rendre avec son mari chez la comtesse de Lerne. Elle avait été fort préoccupée de savoir quelle toilette elle mettrait. Après y avoir mûrement réfléchi, elle s'était décidée pour une toilette austère, en harmonie avec la gravité du rôle qu'elle était appelée à jouer ce jour-là. Elle avait mis tout simplement une robe de velours d'une couleur ponceau sombre. C'était dommage que ses bras et ses épaules fussent hors de la robe dans leur étincelante nudité. Elle sentait que la sévérité de sa tenue en était un peu altérée. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle fut placée à table à la gauche de Jacques de Lerne, qui avait Madame d'Hermanie à sa droite. Comme elle s'était un peu monté l'imagination sur ce culte secret que Jacques était censé avoir pour elle, elle ne laissa pas de trouver d'abord que ce culte secret était un peu trop discret. Monsieur de Lerne lui adressait à peine la parole et se consacrait tout entier à sa voisine de droite. Faute de mieux, Jeanne prêta sa fine oreille à leur conversation. Elle entendit, entre autres choses, que Madame d'Hermanie, après avoir échangé avec Jacques des attaques et des ripostes fort brillantes, lui reprochait sa méchante manie d'infliger des surnoms à tout le monde. « Je suppose, dit-elle, que j'ai aussi le mien. »« Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, dit Jacques. »« Et quel est-il ? » demanda la blonde jeune femme en tendant vers lui son front angélique. « Loquidor, répondit Jacques à demi-voix en se penchant un peu. Madame d'Hermanie rougit, puis le regardant en face avec sa candeur de jeune communiante. « Pourquoi, Loquidor ? » dit-elle. « Pour rien, c'est un nom indien. »« Et moi, monsieur ? » demanda Jeanne en riant. « Ai-je aussi mon surnom ?»« Vous, dit-il. » Il fixa ses yeux sur elle, la salua légèrement et ajouta d'un ton sérieux. « Non. » La voyant un peu embarrassée, il changea aussitôt l'entretien et se mit à lui parler des pièces nouvelles, des musées, des pays étrangers qu'elle avait visités, paraissant lui poser ses brèves questions uniquement pour avoir le plaisir de l'entendre répondre et la regardant d'un air grave et doux comme pour l'encourager à bien dire. Eh bien, décidément, oui, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait dans la manière dont ce Jacques lui parlait, l'écoutait et la regardait, une nuance indéfinissable de bonté et d'estime qu'il semblait réserver pour elle seule. Mais comment ne s'en était-elle pas aperçue plus tôt? Comme c'était singulier. Et cela était d'autant plus singulier qu'elle n'était pas du tout, mais alors pas du tout, l'espèce de femme qu'un monsieur comme ça devait apprécier. Enfin, cependant, c'était aimable de sa part, et Jeanne, dès ce moment, se voua avec plus de zèle et de cœur qu'auparavant à la tâche de marier un jeune homme qui, malgré ses mauvaises relations, avait encore quelques bons sentiments. Elle passa même immédiatement en revue dans sa tête les jeunes filles qu'elle connaissait et qui pouvaient lui convenir, mais pour l'instant, elle n'en trouva aucune. Après le dîner, une partie des convives passa au fumoir. Monsieur de Lerne les suivait quand sa mère l'arrêta. « Jacques, lui dit-elle, joue donc ta dernière valse à Madame de Morescan avant que tout le monde n'arrive. Elle ne la connaît pas. Je suis sûre qu'elle lui plaira beaucoup. »« Oh, je vous en prie, monsieur, dit Jeanne. » Monsieur de Lerne salua et s'assit devant le piano. Il joua sa valse nouvelle, puis quelques autres morceaux que Jeanne lui demanda. Peu à peu, comme il arrive en pareil cas, la plupart des assistants, après avoir prêté pendant quelques minutes une attention courtoise à la musique, reprirent leur conversation, chacun dans leur coin. Madame de Morescan demeura seule en dilettante, obstinée auprès du piano et de Jacques, à l'une des extrémités du vaste salon. Comme le jeune homme venait de terminer une ritournelle brillante et promenait vaguement ses doigts sur le clavier, Madame de Morescan jugea que le moment psychologique était arrivé. « Quel talent vous avez, dit-elle. Et vous peignez très bien avec cela, dit-on. Oh, je barbouille un peu.

Oh, je ne sais si ce fut cette odeur un peu capiteuse ou l'impression, nouvelle pour moi, de cette chambre personnelle. Mais je dois vous avouer que je me montrais cette nuit-là moins résignée que de coutume aux scrupules impitoyables qu'on m'imposait. Ce fut une scène douloureuse que je ne me rappelle pas sans honte. La pauvre femme finit par se jeter à mes genoux, les mains jointes, me suppliant d'être honnête homme, me demandant avec larmes si je n'étais pas heureux, si jamais je pouvais l'être davantage, si je voulais l'être aux dépens de son repos, de son honneur, de sa vie même, car elle ne survivrait pas à ma faute. Enfin, elle vainquit. Je cédai moitié à ses pleurs, moitié à mon propre sentiment, qui me disait en effet qu'il n'y avait rien au-delà des ivresses de cette amitié passionnée et innocente. Elle me remercia en me baisant follement les mains, et je sortis par où j'étais venu. À peine eus-je posé le pied sur le sable de l'allée, que je me retournai pour lui envoyer un dernier baiser en murmurant « À demain !» Je la vis, aux clartés de la lune, debout et immobile dans le cadre de la fenêtre, les bras croisés sur le sein, le buste un peu en arrière. À l'envoi de mon baiser, elle répondit par un léger mouvement d'épaule. Puis, de sa belle voix de contralto que j'adorais, elle laissa tomber lentement ces deux mots « Adieu, imbécile !» Je ne l'ai plus revue. Dès ce moment, il me ferma sa porte, sa fenêtre et son cœur. Madame de Morescan l'avait écouté avec une extrême attention. Quand il eut fini, elle le regarda fixement. « Et vous en avez conclu, dit-elle ? » « J'en ai conclu que les honnêtes femmes étaient trop fortes pour moi. » « Sérieusement, monsieur, si pour justifier votre mépris général de notre sexe, vous n'avez pas d'autre motif que ce souvenir de jeunesse ?»« Oh, mais j'en ai d'autres, » dit monsieur de Lerne. Il prononça ces mots d'un ton si singulier que Jeanne jeta vivement les yeux sur lui. Elle fut surprise de l'expression presque douloureuse qui avait subitement contracté le front et les lèvres de Jacques. « Oh, j'en ai d'affreux !» ajouta-t-il en insistant. Puis, d'un accent très ému. « Vous êtes une jeune femme pleine de bonté et d'honneur, que j'estime infiniment. Mais je ne puis les dire, ces motifs, même à vous. » Elle se leva, un peu embarrassée, et en drapant sa robe. « Je crois que je me compromets, dit-elle gaiement. » Il s'était levé lui-même aussitôt. « Oh, pardon de vous avoir retenu si longtemps. » « Ah, mais je ne renonce pas, » dit-elle gracieusement en s'éloignant. Il s'inclina sans répondre. Le long entretien de Madame de Morescan et de Jacques n'avait pas manqué d'éveiller la curiosité, plus ou moins bienveillante, des invités de Madame de Lerne. Jeanne s'en aperçut, et pour enlever à leur tête-à-tête tout caractère suspect, elle dit à haute voix à la comtesse en passant près d'elle. « Aucun espoir, chère madame, j'ai perdu mes peines. » La mère de Jacques, qui avait épié de loin avec un vif intérêt la physionomie des deux interlocuteurs, ne fut pas de l'avis de Jeanne. Elle jugea, tout au contraire, que la jeune femme n'avait pas perdu ses peines et qu'il y avait de l'espoir.